Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1987, les matinées de France Culture nous proposaient de mettre nos pas dans ceux d'un géant de la musique, John Coltrane. Lâché à 40 ans seulement par un corps qui l'aura trop maltraité, d'alcool et de drogue d'abord, puis d'un travail forcené de création, Coltrane a quitté la vie terrestre en 67, laissant dans l'histoire de la musique moderne une empreinte débordant largement les frontières du jazz. Comme tous les grands artistes, il survit à lui-même. Il suffit pour s'en convaincre de prononcer ce nom, John Coltrane, comme par magie, il vibre de toute la puissance, la hauteur et l'esprit que Train aura en conscience insufflé à sa musique. Mon objectif est de vivre d'une façon authentiquement religieuse et de l'exprimer par ma musique. Si on le vit, jouer devient naturel, car la musique n'est qu'une partie du tout. Être un musicien est vraiment quelque chose de très très profond. Ma musique est l'expression spirituelle de ce que je suis, ma foi, ma connaissance, mon être. Les matinées de France Culture, 20e anniversaire de la mort de John Coltrane, sur les pas d'un géant, 3e volet d'une série de 5, vers de nouveaux climats. John Coltrane, sur les pas d'un géant, vers de nouveaux climats. Trying so many things at one time, you see. Like, I haven't sorted them out. I have a whole bag of things that I'm trying to work through and get the one essential, you know. Un soir, c'était au printemps 58, je suis passé voir Coltrane dans le petit appartement qu'il habitait près de Central Park West. Pendant un bon moment, je l'ai écouté faire ses gammes et ses arpèges. Et puis il m'a annoncé que Miles Davis l'avait contacté pour son nouveau sextet. En fait, j'ai pas été vraiment surpris. Le premier quintet de Miles avec Coltrane s'était séparé en 56. Et dans la période qui a suivi, Miles n'avait plus vraiment son groupe. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait pendant ce temps-là. Il était parti en Europe, il avait enregistré la musique du film Ascenseur pour l'échafaud, il avait commencé à travailler avec le grand orchestre Gil Evans, mais enfin, il n'avait plus son petit orchestre régulé, son combo à lui, et je pense que ça lui manquait. Il aurait crevé plutôt que de le dire, mais enfin, je voyais bien la tête qu'il faisait au Five Spot, chaque fois qu'il allait écouter Thelonious Monk et Coltrane. Il était très impressionné par l'évolution de Coltrane et visiblement, il avait envie de retravailler avec lui. Beaucoup de musiciens ont pensé que c'était l'ancien groupe de Miles qui repartait. Mais je pense pas que c'était ça. D'abord, ils étaient six. Il y avait un saxophone alto en plus, Campbell Adderley. Il jouait superbe, dans la lignée de Charlie Parker, mais avec une phrase à lui. Mais dans le personnel de l'orchestre, le changement le plus important à mon avis, c'est qu'il y avait un nouveau pianiste, Bill Evans. Bill Evans a eu une influence énorme sur le groupe, à cause de sa manière de jouer et aussi à cause de ses compositions. Il amenait une délicatesse, une légèreté qui était nouvelle pour le groupe. Il avait un sens de l'harmonie extraordinaire. On sentait tout de suite qu'il connaissait bien Debussy et Ravel. Et bien sûr, ça plaisait à Coltrane, qui connaissait aussi cette musique depuis ses années à l'école d'Ornstein à Philadelphie. De l'orchestre avait changé. Il y avait une chose que j'ai souvent remarquée. Quand un musicien ou un orchestre avance vraiment sur une voie nouvelle, il choisit soit des morceaux tout nouveaux qui correspondent à ce qu'il y a de neuf dans la musique, soit des morceaux carrément anciens. La première fois que je les ai entendus et joué des blues, beaucoup de chansons des comédies musicales de Broadway, comme My Funny Valentine, On Green Dolphin Street, Love for Sale. Ou alors, c'était des thèmes que j'avais jamais entendus, comme So What, un thème construit sur deux accords seulement. J'avais toujours aimé jouer en arpège et en gamme, et là, le morceau était fait pour ça. Il était très souple, très simple, et Coltrane pouvait tirer ses gammes dans tous les sens, sur tous les rythmes. Au lieu de dessiner une mélodie, il travaillait à partir de l'harmonie pure. Il creusait, il recommençait, en combinant toujours les mêmes pièces de puzzle, mais chaque fois dans une forme différente. Et d'ailleurs, Coltrane s'est mis à prendre des solos de plus en plus longs. Sur les disques, on ne se rend pas vraiment compte. Mais dans les clubs, il partait dans des chorus qui pouvaient durer une demi-heure. Un jour quand même, Miles lui a dit qu'il pouvait peut-être jouer moins longtemps des fois. Coltrane lui a dit qu'il avait toujours des nouvelles idées et qu'il ne savait pas comment s'arrêter. Alors Miles lui a dit « Try taking the fucking horn out of your mouth. » Essaye de retirer ton sexe de ta bouche. Et sa sonorité, je suis pas sûr qu'elle changeait tellement. Déjà en 50, les premières fois que je l'avais entendu jouer dans l'orchestre Gillespie, j'avais été sidéré par le son qu'il donnait au ténor. En particulier, cette sorte de mugissement qu'il avait dans la grave et qui pouvait être totalement envoûtant, comme une incantation. Mais quand même, il n'était jamais satisfait. Il avait chez lui je ne sais pas combien de becs et des dizaines d'anges. Il passait son temps à les tailler et les changer. Il y avait d'ailleurs beaucoup de gens qui n'aimaient pas sa sonorité, qui la trouvaient trop rock, trop dur. Un critique l'avait même traité de « angry young tenor », le jeune ténor en colère. Et après, certains journalistes avaient repris l'expression. Il avait été assez touché par cette critique d'ailleurs. Et dans une interview, il avait répondu qu'il ne sentait pas du tout en colère. Coltrane n'était pas un révolté. Il était juste en colère contre lui-même quand il n'arrivait pas à jouer ce qu'il voulait. Mais à côté de ça, il y avait de plus en plus de gens qui l'appréciaient, qui venaient écouter le groupe de Miles spécialement pour entendre ce que Coltrane allait faire. À s'occuper un peu de lui, à s'aimer un peu plus, à se faire refaire tous les dents, alors que depuis des années, il avait les dents dans un état lamentable. Et avoir mal aux dents pour un saxophoniste, c'est pas la joie. Il a voulu maigrir aussi, mais pour un gourmand comme lui, c'était pas facile de s'arrêter de se bourrer de pizza et de tartes à la rhubarbe. C'était un fou des tartes à la rhubarbe, mais de temps en temps, ça le prenait. Là, il passait son temps dans les boutiques diététiques. Il prenait plus que du tiger's milk, du lait sucré avec du citron, avec un peu de viande cachère, des légumes crus. One word. Listen. Pendant les années 58-59, Coltrane a enregistré avec d'autres leaders comme Miles, surtout dans des formations assez importantes. Avec George Russell, par exemple, ou avec Michel Legrand, un compositeur français qui écrivait des arrangements très sophistiqués. On peut dire que Coltrane, dans ces années, c'était l'avant-garde, si on veut. Mais pourtant, il n'avait aucune envie de se mêler à tout ce qui était nouveau juste parce que c'était nouveau. Suivez sa voix. C'est tout. Un jour, je parlais de Charlie Mingus et il m'a dit qu'il n'aimerait pas travailler avec lui. Au moins, pas pour le moment. Il m'a dit, tu vois, je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'il fait et j'aime pas les expériences. Thank you. comme le seul disque qu'il a enregistré avec Cecil Taylor. Ils ont joué une musique superbe. Et je trouve vraiment que le piano de Cecil Taylor, ses accords dissonants et ses rythmes déchiquetés, ça allait parfaitement avec ce que faisait Train. Mais quand je lui ai demandé si elle avait envie de recommencer, il a poussé un cri. Moi? Rejouer avec Cecil? Sûrement pas. C'est bien trop compliqué. même si elle aimait bien les musiciens de Miles Davis, Coltrane avait envie de travailler avec une section rythmique qui lui convienne vraiment, totalement libre par rapport au tempo de base. Et pour ça, Ornette Coleman lui a montré le chemin. Il avait débarqué à New York en 59 avec son saxophone en plastique blanc. Et il faisait sensation. Mais surtout, personne n'avait encore poussé la liberté aussi loin. Il n'y avait pas de piano dans un quartet. Et apparemment, il jouait sans soucier de l'harmonie. Coltrane adorait Ornette Coleman. Ils avaient joué qu'une seule fois ensemble. Mais Coltrane m'a dit que c'était un des moments les plus intenses de sa vie. Il ne reste aucune trace enregistrée de cette soirée. Par contre, on trouve encore les disques gravés par Coltrane en juin 1960 avec les musiciens d'Ornette Coleman, le bassiste Charlie Hayden, le trompettiste Dan Cherry, Ed Blackwell, ce batteur au jeu si mélodique et pas de piano. Que Coltrane a commencé à devenir très connu. Il gagnait bien sa vie. Il avait quitté la marque Prestige pour signer avec Atlantic. Ça lui garantissait un minimum de 7 000 $ par an. En 59, c'était déjà très complet. Il s'entendait bien avec les frères Etienne qui dirigeaient Atlantic et qui le laissaient enregistrer comme il voulait. Coltrane était déjà prêt à former un orchestre permanent avec lequel il pourrait exprimer toutes ses idées. Après avoir quitté Miles Davis, il allait faire des pas de géant. We'll be right back. Vers de nouveaux climats, le troisième volet de la série John Coltrane sur les pas d'un géant, proposé par Gérard Tourtrol et Yvan Amar, a été diffusé pour la première fois le 8 août 1987. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.